Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices, bonjour. J'encule la faune et la flore. Il paraît que les cougars ont disparu. Mais nan putain, je ne te parle pas des darons et des milefs attirés par les jeunes comme moi en moins chez homme, mais du cougar, l'animal. Bah ouais mon pote, le cougar est aussi une bestiole. Enfin était... un genre de tigre pour être exact, avec une tronche de fils de pute, sans vouloir jouer au mec qui t'explique des quêtrues. Et ben cette bête, elle a disparu depuis un an ou deux. Alors forcément, comme d'habitant quand il y a une burne dans le potage, les gens cherchent toujours un coupable. Qui a buté les cougars? Évidemment, c'est l'homme, avec le grand H de H qu'on accuse. C'est lui le responsable, c'est lui qu'on vient embrouiller quand Daron Nature se prend un braque dans le derche et perd ses bestiaux. Bah moi tu vois, je ne kiffe archi pas me faire embrouiller, surtout quand je n'ai rien à voir avec le dièse. Je n'ai jamais croisé de cougar dans ma life et même si j'en avais croisé un, pas sûr que j'aurais tenté de le charcler. Tout aurait dépendu de mon degré de murge et de son degré de face de derche. Et même si on ne m'accuse pas directement, je ne vois pas en quoi l'homme avec le grand H de armoire serait impliqué dans la disparition de cette race à la con. Perso, j'ai vu des reportages où on voyait des antilopes ou des buffs se faire kékro par des lions. Alors quoi, ça sera encore de notre faute, le jour où toutes les antilopes se seront fait bouffer. Mes couilles, ouais. Les fauves, eux, on ne leur dira que tchi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont trop cons, et qu'on embrouille que les intelligents. Désolé si les espèces en voie de disparition sont trop teubées pour sortir de leurs ermites. Désolé d'appartenir à la race supérieure. Tiens, les pandas par exemple. Tu connais, les pandas. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques années ils se seront éclipsés du globe terrestre, parce que ces trimardes de bestioles, elles ne baissent quasiment pas. Tu imagines le Delbord, elles ne kiffent pas fourrer leurs obes, du coup elles ne pondent pas de rejetons et elles vont toutes l'avoir bien profond dans le fiacre. C'est de ma faute. Nan, trop pas. Après, les pandas ont peut-être envie de crever, à la limite ça se pige s'ils ne kennent pas. Et c'est sur nous que ça retombe, normal. C'est moi qui les empêche de se foutre des bites dans le fion, de se limer le sternum façon branlette espagnole et de se gicler dans la gueule. Ouais, c'est ça, garde la pêche cousin. Et vas-y, sans vouloir jouer le relou, les dinosaures. Les dinos, c'est nous qui les avons butés aussi. Vas-y, réponds. Nan, ce n'est pas nous. Je ne vois pas comment on aurait pu buter un T-Rex. Nan, ce sont des astéroïdes qui ont fumé les dinosaures. C'est peut-être pareil pour les cougars, ils se sont peut-être fait mettre à l'amende par un phénomène naturel, style une tornade. J'en ai vraiment ras le cul de trinquer pour Walou, qu'on arrête de nous les briser. Les animaux, ça se bouffe, basta. Tu veux que je te dise? J'encule toute la faune. Je serai jappe, moi aussi je boufferai de la baleine. C'est la chaise alimentaire mon gars. Et tu veux que je te dise aussi, tant qu'on y est. J'encule aussi les végétaux et les plantes, exception faite du chanvre, du pavot, des psyllos et du cocaïnier. Les légumes, ces merdes dégueulasses qu'on fout dans la graille et qui te font débander. Enculé. J'encule la nature. Moi ce que je kiffe, c'est le bitume, l'asphalte, les govas qui crament et le zbeul. Et je suis le premier à tèche mes déchets dans la street et mes bouteilles dans la Seine. Ouais mon pote. L'apocalypse, version underground. J'espère que tu as pigé mon propos, que je n'ai pas à le réécrire. La disparition des cougars, je n'y suis pour rien et je m'en bats les steaks. Parce que j'encule la faune, autant que j'encule la flore. Vous écoutez Radio Parasite? Ça tue?